Yaya na Amelia na Amanda makukula. Yeki Son Altesse Sidi Kanyansi. Oh mayo yo, moi chrétien los, allo binanga zero. Ata kutu na leli, na mibwaki, na madele, ezo sala yo rien. Moi na maître oui jo loi beya. Azimak. Moi la mama onde ma baya. Moi chrétien los, allo binanga zero. Atakutu na leli na mibwaki na mabele ezo sala yo rien asma ko bomi haye la mwa sa se bira na bafie o kufanze la mwa sa se mama zo kufe la mwa sa se Freddy et da Silva Sekera Blaise ba popola, Clary ma baya, Ezadur ma baya, Natuna Eric Ndala, Prince El Osala, Trésor Loi Loi, Papa Jean-Charles Rokoto, Bébé ta opeto koto, Yulu Matondo, Dunia Kilama, Pierre Achille Webo le Camer, Emmanuel Mazowa, Maître Louetou Nangolinzabe. Salomon Kalou Gervigno, Bafé Timbi Gomis, Jires Kembo Pati Kembo, Janine Meresson,